Ce vendredi, à la vie en BD, Mario Malouin et Don Cartoon, Sampar et le tome 3 de Gibi, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, une heure pour parler bande dessinée. Une heure consacrée au 9e art qu'on observera notamment au fil de deux albums et deux rencontres cette semaine. En deuxième partie d'émission, il y aura Samuel Parent-Sampar qui sera avec nous pour nous parler du tome 3 de Gibi. Il nous permettra de faire une petite mise à jour sur cette série. Donc, on l'avait rencontré à son premier tome. Maintenant, qu'en est-il? Où en est son appropriation de cet univers-là? Un univers qui s'en va également vers une édition européenne prochaine cet automne, si je ne me trompe pas, pour le tome 1. Alors, on lui jase tantôt. Également, dans quelques instants, on va avoir le plaisir d'échanger un brin avec Mario Malouin autour de cet album Don Cartoon qui l'a offert tout récemment du côté de Vent d'Ouest dans la collection Première Ligne. Alors, une bande dessinée à saveur de corruption et de construction. Il y aura également, en fin d'émission, Marco Duchesne qui sera de passage pour nous parler de ses suggestions BD de la semaine. Je vous en offrirai également quelques-unes en cours d'émission. Sinon, dans l'actualité, ça a été annoncé à la mi-avril, l'annonce d'un plan social. Ça étonne personne. Du côté de Soleil, évidemment, donc Guy Delcourt qui a attendu 4 ans, les gens s'attendaient à ce que ça se passe après 3 ans. Donc, maintenant, la question, c'est de voir quelle sera la nature de ce plan social que le groupe Delcourt offrira par rapport à Soleil, donc suite à l'acquisition. Évidemment, on sait que techniquement, M. Delcourt a évoqué lors d'une rencontre à Toulon avec justement les gens de Soleil, la mauvaise gestion historique de la société. Ce qui peut sembler étonnant, depuis quelque temps, Soleil avait quand même redressé la barre alors qu'après le rachat, la situation était relativement difficile. Alors des mesures prises immanquablement pour revenir à quelque chose de plus efficace. Alors on verra quelle sera la nature justement de ces éléments modifiés. Manifestement, donc les témoignages sur place recueillis par Actualité ont indiqué que le président directeur général Guy Delcourt a considéré que le catalogue de Soleil nécessiterait des coupes franches et aurait clairement annoncé une diminution du nombre de parutions en question de renforcer l'identité autour de quelques auteurs majeurs de la maison. On rappelle qu'en 2012, Soleil avait produit 367 albums, 342 en 2013, 269 en 2014. Alors une décélération de la production qui était déjà en cours. Évidemment, ce sera intéressant de voir quels seront les choix éditoriaux derrière justement cette restructuration. Ce qu'on voit, c'est qu'évidemment tout le monde replie les voiles. C'est aussi dans un contexte plus global dont on parle sporadiquement ici à La Vie en BD en lien avec l'épuisement du marché. Alors, maintenant, quels seront les choix économiques? Quels seront les choix humains? Quels seront les choix éditoriaux? Ça sera à suivre autour de tout ça. Évidemment, tout ça dans un contexte aussi de baisse des ventes également. Là, on parle quand même là, donc qu'on passe d'à peu près 10 000 exemplaires à quelques milliers en termes de moyenne de vente, bien que la production soit stabilisée. Alors donc on met ça dans la pile, évidemment, dossier à suivre de ce côté, donc, mais l'avenir des éditions Soleil est clairement en train de se jouer, donc pas en termes de fermeture et le reste, évidemment, mais plutôt en termes de restructuration. Alors donc à suivre. Sinon, deux petites mentions avant d'aller en musique. Tout d'abord, en fait, premier album de Ricochet, puis la mort de son dessinateur Tibet en 2010. Rip Rick, réalisé par Zidrou, quand même, au scénario, et Simon Van Niemt, donc qui avait fait Poker au dessin. Ça va paraître le 29 mai prochain, alors que le célèbre journaliste d'investigation apparu pour la première fois en 1955 dans le journal Tintin. Fête cette année ses 60 ans. Donc, dans Rip Rick, Ricochet est surpris à son domicile par un homme embusqué qui l'abat sans sommation. Cet homme, c'est le caméléon, et il a tenté de se métamorphoser en Ricochet. Donc, ce sera quoi, le 79e album de Ricochet? Les 78 premiers sont vendus à plus de 15 millions d'exemplaires dans cette langue. Et sinon, 8 représentations

Mais donc, on garde intact l'apparence des personnages. Il y a une cohérence, donc le lecteur, moi en l'occurrence, ne se retrouve pas perdu entre un tome et l'autre. Et ben, ça nous permet enfin de mettre une boucle finale autour de cet univers qu'avaient construit Jacques Lamontagne et donc Reynold et Radovic, au fil de ces deux tomes-là. Donc, un premier tome qui nous avait amené justement dans une enquête policière où Van Helsing était amené à enquêter justement sur les crimes commis par Jack l'Éventreur après avoir réglé son compte à Dracula hors récit. Et donc, on nous amenait dans cette ambiance 19e siècle, mais astreinte de fantastique. Donc, il n'y a pas de vampire dans ce récit-là. C'était une décision qui avait été claire et nette dès le départ, si je me rappelle bien l'entretien qu'on avait eu à l'époque. Et donc, dans ce deuxième tome, ben, on ne déçoit pas en gardant justement le côté prenant de cette enquête policière, en évitant aussi de sombrer dans un fantastique auquel on serait peut-être amené à s'attendre à un moment donné, et même à nous amener à travers différents rebondissements joue un peu avec des perceptions, avec des attentes qu'on peut avoir aussi face à ça. Donc c'est vraiment un album qu'on lit, qu'on parcourt avec plaisir en voyant s'affronter deux ennemis mythiques et qui est bien ficelé, qui est efficace, qui est bien dessiné. Alors ben, si vous avez aimé le premier tome, évidemment, poursuivez avec le second, vous n'en serez assurément pas déçu. Alors on prend une courte pause à venir, Sam Parr et Marco Duchesne. La Péprette de Jérôme Hoff, Drôme de marde de Pascal Plante, Une idée de grandeur de Vincent Biron. Spira vous convie à l'édition printanière du fameux cours Spira Cours. Julia Julep de Alana Zimmerman, Petit frère de Rémi Saint-Michel. Une programmation des meilleurs courts-métrages québécois de la dernière année vous sera présentée. Bec de lièvre de Louis Bélanger. Découvrez ces films colorés dans l'ambiance festive du triplex suspendu à Limoilou le mardi 28 avril dès 19h. Billets, 6$ à l'entrée. Minarski, Chute mortelle, de Mathieu Rankin. Anatomie, de Patrick Bossé. Le printemps, c'est au Bal du Lézard que ça se passe. En avril, musique, impro et expo se côtoient. Le 10 avril, les Taverneux, avec Marc-Alain Lavoie, sauront vous enflammer avec leur musique crue, directe, dénonciatrice et délirante. Le 18 avril, Jaune s'arrête au bal dans le cadre de leur tournée L'espace des jours 2. À compter du 23, Elsa Daigle, artiste multidisciplinaire, propose une réflexion sur le paysage qui nous entoure. Ne manquez pas également, tous les dimanches, les matchs du bal. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. Lebaldulézard.com. C'est peut-être de la chance, mais j'ai retrouvé ma tête dans une erreur de cinéma, dans les chemins de cette. Panorama, le nouvel album de Tire le Coyote. Et je veux que ton pouvoir me surprenne encore. Ne manquez pas Tire le Coyote en concert spécial avec invité au Grand Théâtre le 5 décembre. Bien en vente maintenant. Vous avez attrapé la fièvre du hockey? Venez entre amis encourager les Canadiens à gagner la Coupe Stanley. Au Café Urbain, une ambiance chaleureuse et enlevante vous attend sur place tous les jours. Avec ses 4 écrans géants, une table de billard gratuite et un super choix de musique, au Café Urbain, pas moyen de s'ennuyer. C'est votre anniversaire? On vous offre une consommation gratuite de votre choix. De plus, tous les derniers vendredis du mois, apprenez à danser le blues en compagnie de Simon Mercier, professeur et musicien. Venez voir nos spéciaux du jour au Café Urbain, 345 de la Couronne, coin du Roi. Consultez notre page Facebook. Ce vendredi, en plus du gros lot évalué à 50 millions, l'Automax offre environ 2 chances additionnelles de gagner des lots de 1 million avec les Max Millions. C'est KRL. 89.1. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez réécouter des émissions passées, ben c'est possible de le faire donc en allant sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, on a le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil Sam Parr. Bonjour. Bonsoir Raymond. Alors, évidemment, donc tu es avec nous pour parler du tome 3 de la série Gibi, donc double face-à-face qui est sorti tout récemment chez Michel Quintin. Troisième tome, déjà, une série qui tient le rythme et on y va avec à peu près 2 tomes par année, si je me trompe pas, côté rythme de production. Au départ, le premier tome, je me lançais pour un par année. En 2014, j'ai voulu me lancer un double défi, puis j'ai décidé d'en produire deux. À savoir si je vais maintenir la cadence de deux par année, c'est encore en questionnement, parce que là, je crois avoir atteint ma limite de production si je considère toutes les autres collections, les autres collections que je dois illustrer. Donc, je suis en réflexion, disons. Oui, parce qu'en fait, il faut dire, d'un côté, en fait, la série Le Tome 1 a connu un beau succès. Il y a eu réédition. Je pense qu'on a dépassé le 5000 où on s'en approche pour le tome 1. Donc, ça a donné un air d'aller aussi additionnel, une volonté, j'imagine, aussi de continuer à développer, à enrichir l'univers, puis en sachant qu'on l'enrichit pour une production plutôt sur le long terme que qu'un diptyque ou un triptyque. Et voilà, c'est en plein ça. C'est aussi pourquoi je voulais en produire deux cette année pour donner... accrocher les lecteurs, leur donner un intérêt, puis en même temps, je me trouvais cruel aussi avec la fin du deuxième, puis laisser sur un suspense assez incroyable. Donc, j'ai voulu comme pas laisser traîner les choses pendant trop longtemps. Donc, j'ai voulu en offrir un troisième, mais c'est évident par contre que je me lance pour une série qui va avoir quand même. J'ai pas encore de nombre de titres en vue, mais je me lance quand même pour au moins 6, 7 ou 8, peut-être même tomes. Et j'imagine pour un dessinateur et pour un scénariste, dans le fond, d'un côté, le fait d'avoir, de donner la possibilité de développer sur des albums de quoi à peu près 116 pages, en plus de savoir qu'on peut construire l'album quand même avec une pensée long terme d'emblée, bien, ça laisse un beau terrain de jeu pour construire l'univers, mais pour le faire respirer, pour le faire vivre, pour le mettre en scène. Oui, vraiment, ça, c'est tout à fait vrai. Je laisse place beaucoup à l'image. J'essaie de laisser la... éviter de faire des trop longues bulles, justement, des trop longs dialogues, puis laisser place à l'image, laisser la narration graphique faire son chemin, puis la même chose pour le scénario aussi, pas nécessairement bousculer les choses, laisser les choses, installer le rythme qui se prête bien aussi à l'ambiance. Donc, oui, tout à fait. Et en même temps, avec une trame aussi, une trame de fond cohérente, très rapprochée d'épisode en épisode, parce que si je me trompe pas, en fait, les trois premiers tomes, c'est chacun une nuit, la nuit qui fait suite de la précédente. Là, on est vraiment en suite directe. Oui, tout à fait. Oui, vraiment, je m'arrange. Ça, c'était déjà planifié au départ, que chaque album était pour représenter les activités d'une nuit, des activités abondantes d'une nuit. Puis je m'arrange pour maintenir ce cap-là pour les prochains albums aussi. Vraiment, ça me donne aussi une belle marge de manœuvre. Ça me donne un point de départ et une conclusion. Donc, je dois concentrer vraiment là, tout ce qui va se passer à l'intérieur, dans un album, à l'intérieur même d'une nuit. Donc, ça me donne quand même un cadre à respecter au niveau du scénario. Oui, puis comme chaque nuit pile les unes sur les autres, ben ça donne un côté feuilleton aussi, j'ai l'impression, à la série. Oui. Puis c'est le fun aussi. J'hésitais au départ à vouloir faire des albums. La trame de fond était déjà planifiée. Je voulais quand même donner des albums qui pouvaient être lus d'une façon indépendante aux autres titres, mais je m'arrange aussi pour récompenser les gens qui suivent l'album à partir du premier tome pour que la trame de fond justement soit cohérente et puis qu'elle la genre d'aventure et mésaventure avec les méchants se perpétue d'une façon cohérente. Et dans ce contexte-là, évidemment, le scénariste s'est donné un beau terrain de jeu. J'ai l'impression que le dessinateur s'est aussi donné certains défis dans la mesure où on est la nuit, on est dans les soubassements de la ville, dans les égouts, donc des tons de noir, des tons de brun, des tons de vert. Une palette quand même qui je dirais pas restreinte, mais qui est plus limitée, si on peut dire, et auquel il faut doubler d'inventivité justement pour la faire vivre, la rendre lumineuse. Là. Oui, tout à fait. Vraiment... c'est sûr que le scénariste pense beaucoup à l'illustrateur. L'illustrateur apprécie beaucoup le scénariste à cet égard-là, parce que je me garde beaucoup au niveau de ce que j'aime faire, au niveau des ambiances. Puis ça me permet aussi, étant donné justement que je voulais pas me peinturer dans les coins, je voulais pas nécessairement être redondant, soit dans le quatrième tome sur lequel je travaille actuellement. Je me suis ouvert une autre dimension, disons. Puis ça me permet de justement d'explorer des nouvelles palettes de couleurs, d'ambiance. pour mettre l'auditeur en contexte qui a peut-être pas suivi l'aventure Gibby depuis le tome 1, Gibby, en fait, c'est un super bébé qui se retrouve confronté à un univers donc peuplé de chats, peuplé de créatures dans les égouts, et qui doit, dans le fond, venir à la défense de son petit monde à lui, dans la mesure où ça me part. Dans cette série-là, j'ai l'impression que vous envisagez un peu la narration auteur d'enfant, dans la mesure où Gibby est pas là pour sauver le monde, il est là pour sauver son monde, sa famille, ses amis, sa maison. En plein, oui, tu as mis le doigt exactement sur mon intention. J'essaie de rester aussi cohérent avec le type de personnage héros qui est Gibby, qui est un enfant de 3 ans et demi. Donc, je me dis, il n'y a pas des aspirations à vouloir justement sauver le monde, la ville ou une bien-aimée. C'est vraiment les gens auxquels il se rattache le plus. C'est soit ses parents, ses amis, son ami Ra, Ramirez, ou Gruffus, son ami. Donc, pour lui, c'est vraiment les gens auxquels il tient le plus, puis qui est prêt à faire affronter n'importe quel danger pour le défendre. Et comme c'est une série qui est destinée d'abord justement à un public jeunesse, mais ça devient, j'imagine, plus facile pour le jeune lecteur de plonger là-dedans, parce qu'on est dans sa perspective, on est dans sa compréhension du monde à lui aussi. Oui, c'est vrai. C'est un peu... c'est certain que je me disais, je me prêtais dans la peau d'un bébé. Bon, je me dis, on garde cet esprit-là longtemps aussi, jusqu'à, je crois, 10-11 ans. Nos parents, nos proches sont les gens auxquels on tient le plus. Nos amis après ça. Donc, on n'a pas les aspirations nécessairement de changer le monde à part ça. On se restreint vraiment à nos proches. Puis, c'est ça. Ça me donne une belle latitude. Puis, ça me donne aussi des aspirations qui sont modestes pour le personnage, qui ne sont pas trop grandes. Oui, mais qui sont suffisantes pour l'amener dans une autre dimension quand même aussi. Donc, oui. Oui, tout à fait. Et à travers ça aussi, ça me part, il y a les bibites, les monstres qui sont, parfois j'ai l'impression, un peu dans le design, destinés un peu à faire un yark au lecteur, d'une certaine façon. Oui, je crois que tu as lu le troisième. Hein? Oui. Oui, ça c'est un petit plaisir, puis c'est un peu ce que je cherche à faire avec les bandes dessinées. Bon, il y a la possibilité de faire de l'humour, ça je m'arrange pour en glisser des... quand le moment est propice dans l'interaction des personnages, mais que ce soit au niveau de l'ambiance, justement, que ce soit lugubre, ça donne une impression, un feeling au jeune lecteur ou au lecteur de coup, qu'on se sente dans un environnement que le personnage est plongé lui-même, donc une sensation. Puis pareil pour les monstres, j'aime quand quelqu'un me dit « Ah, il est dégueulasse, il est écœurant, le personnage, un tel monstre, il est dégoûtant. » C'est vraiment... c'est ce que je souhaite. Et en même temps, je m'amuse, je m'attends que je pousse mes limites de mon imagination, c'est avec le monstre que j'ai mis dans le troisième. Oui, puis en même temps, il faut que ça soit logique aussi. Si on veut y croire à ce monstre-là, il faut qu'on ait l'impression qu'il puisse fonctionner, qu'il y a quelque chose d'organique, logique, dans le fond, dans oui. Sa manière de se déplacer, d'attaquer, de se défendre. De digérer à l'extérieur de son corps. Oui. Oui, c'est un peu ce que je cherche à faire. J'essaie de pousser les limites. Mais je m'inspire beaucoup avec la collection Savais-tu, en ayant exploré beaucoup de bestioles. Et puis, même moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à l'univers des faunes, puis souvent des animaux qui sont assez bizarroïdes. Puis des fois, il y en a qui dépassent carrément l'imaginaire de la manière qu'ils se reproduisent ou qu'ils mangent ou dans les environnements dans lesquels ils se développent. Donc, je trouve que ça laisse place quand même à pouvoir moi-même créer comme... m'inventer des scénarios, des personnages, puis des monstres assez rocambolesques, disons. Et si on refait un peu sur l'évolution des tomes, je suis tombé sur une entrevue où vous disiez le premier tome, c'est un peu la construction de l'univers, le deuxième, c'est un peu votre appropriation de cet univers-là, comme justement en ce qui concerne ton travail. Et à partir du troisième, ben là, on se laisse un peu plus aller parce que justement, c'est construit, c'est maîtrisé pour le côté scénario comme pour le côté dessin. Oui, parce que le deuxième a été définitivement le plus difficile pour moi à créer, autant au niveau du scénario qu'au niveau de l'image, étant donné que je bâtissais sur le premier tome. Mais si je me fie justement à l'écriture et à la réalisation du troisième, quatrième, qui ont été vraiment, qui ont roulé super bien, j'ai pas eu de à faire de reprises, à peine quelques peaufinages ici et là, mais sachant qu'en plus, cet univers-là va gagner un public de plus prochainement, dans la mesure où on a 3 tomes de disponibles au Québec, mais du côté de l'Europe, il y a l'éditeur belge Kenz qui a acheté les droits de la série, qui va lancer, lui, le premier tome cet automne. Dès juin, mon Dieu, okay, c'est cet été. Oui, oui, quelle édition, là, il va lancer le premier tome dès juin en France, Suisse, Belgique, et puis le deuxième devrait sortir, si je me souviens bien, là, il me semble que c'est à l'automne. Je crois qu'il va sortir justement comme ça aux 6 mois. Dès 2016, il veut rattraper nos parutions. Oui, puis créer le momentum, justement, en montrant que la série est active, que c'est, ça ne sera pas un premier tome lancé dans l'océan. Là. Non, voilà. Puis c'est le fun parce que j'ai pu discuter régulièrement avec Dimitri Ken, justement. Puis il est très emballé. Lui, il voit un mélange de manga, de BD européenne, de BD américaine. Puis il est très enthousiaste envers la série. Puis je suis confiant parce qu'il est très dynamique. Puis je crois qu'il veut. Ils font beaucoup d'espoir sur la petite série, puis je suis très, très heureux. C'est inespéré pour moi. Je partais avec des idées modestes. J'étais content de démarrer un concept et une série au Québec. Puis c'est sûr que j'entrevoyais, je rêvais plutôt que ça puisse sortir de nos frontières, mais jamais aussi rapidement. Ça, j'avoue que j'ai été vraiment surpris, agréablement surpris, disons. Oui, puis en plus, si je ne me trompe pas, en terminant, Saint-Père, vous aviez eu avec Alain Bergeron un peu un 2 dans 1 parce qu'ils ont racheté aussi les droits de Capitaine Statique. Oui, Dimitri, il aimait beaucoup notre travail. Je crois que c'est vraiment une double surprise. Puis on va sûrement pas s'en plaindre. Et on aura l'occasion sûrement de s'en reparler. Et d'ici là, ben, pour ceux qui connaissent pas la série, on peut commencer au tome 1, donc série jeunesse de Gibi. Le tome 3 qui vient tout juste de paraître, donc aux éditions Michel Quintin, Gibi, donc double à face à face. Ça me part, merci. Merci à toi, Raymond. À la prochaine. À la prochaine. Voilà, dernier extrait, donc John H. McCarthy tiré de son album Nintendo Quest. On écoutait un extrait de la pièce Wizard. Et maintenant, avec nous au téléphone, notre libraire en résidence, du moins qu'on emprunte à Pantoute le temps de quelques commentaires. Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Et je te lance d'emblée, en fait, ça fait un bout de temps qu'on s'est pas parlé, alors je veux pas perdre de temps sur tes commentaires et ton regard sur les sorties récentes, surtout qu'il y en a toujours des masses après un salon du livre. Alors on se lance avec Ratchet de Stéphane Levallois chez Futuropolis. Oui, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu il y a quelques semaines de ce gros album. En fait, c'est presque un livre, un roman graphique grand format chez Futuropolis. On connaît cette qualité qu'a Futuropolis à produire de la bande dessinée haut de gamme. Un auteur que je connaissais pas, Stéphane Levallois. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est pas tellement l'histoire. En fait, une petite fille se fait agresser dans la rue. Elle se fait voler son cellulaire et l'agresseur la poignarde. Elle se rend chez elle et là va tomber dans un coma et lutter pour sa survie dans sa chambre. Et on va voir tout l'aspect un peu onirique de cette survie-là, dans ce coma-là, pour aboutir à la fin à se sortir de cette blessure-là. En fait, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la façon de raconter. D'abord en un noir et blanc fait à l'encre de chine. Parfois, le trait est très fin, très épuré, très évaporé. Et parfois, il y a des taches d'encre qui viennent rendre l'album une charge émotive assez impressionnante. Et surtout, surtout, c'est la façon de raconter. L'auteur nous prévient qu'il s'est servi d'un carnet Moleskine. Les Moleskine, c'est ces petits carnets dans lesquels on prend des notes. Maintenant, il en existe de toutes les formes, de tous les formats. Et il existe un format de carnet Moleskine qui s'appelle le storyboard. Un storyboard, c'est ce qu'on utilise pour découper des scènes au cinéma, des scènes à la BD. Alors lui, s'est servi de ce carnet-là. Pour la construire, finalement. Oui, et les carrés, les scènes, les cases sont prédéterminées dans le carnet. Oh. Il y a des carrés, il y a des pages avec deux carrés, il y a des pages avec une multitude de petits carrés. Alors, il l'a pris tel quel et il arrive à raconter son histoire en se servant de ce découpage-là préétabli, de cette contrainte-là. Et c'est assez réussi. C'est un album sans texte en plus. Ce qui fait que l'album, du début jusqu'à la fin, jamais on ne perd l'histoire, jamais on est perdu. Tout le temps, on est accroché par ce combat que livre son personnage, cette petite fille. Alors, je vous recommande fortement cet album chez Futuropolis qui s'appelle « Raquette » de Stéphane Levallois. Sinon, autre titre, « Le grand méchant renard » chez Delcourt. Ça, c'est mon coup de cœur humour. Alors, lui aussi a de l'air d'un roman graphique format livre. Un auteur que non plus je ne connaissais pas, Benjamin Renner. Benjamin Renner raconte l'histoire d'un renard qui n'arrive pas à être ce renard qui devrait être, c'est-à-dire rentrer dans le poulailler et partir avec des poules et s'en nourrir. Il n'y arrive pas. Chaque fois qu'il va dans le poulailler, il est intimidé par les poules et les autres animaux de la ferme le fournissent en navet pour qu'il puisse se nourrir. Alors, il veut vraiment atteindre ce degré de méchanceté. Il se fait aider par un loup. Et le loup va lui donner des conseils pour devenir un grand méchant renard. Alors, le premier conseil est de prendre en bas âge des poussins pour leur montrer et apprendre à le craindre. Alors, le renard va voler des œufs, va les couvrir et va les couvrir. C'est ça. Il va les porter à terme et les poussins vont le prendre pour sa maman. Alors, il va les élever en espérant qu'à un moment donné, il puisse leur faire peur, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. Les poussins s'attachent à lui et le renard s'attache aux poussins. Et là, va s'en suivre une grande aventure où le renard va prendre soin des poussins, il va les protéger à la fois du grand méchant loup, mais aussi, il va devoir se cacher à l'intérieur du poulailler, incognito, se déguisant en poule, mais il va devoir protéger ses poussins des autres poussins, parce que les poussins du renard, ils pensent qu'ils sont des renards. Oh, okay, donc. Alors, c'est fait avec un grand humour, c'est très drôle, les situations sont cocasses, mais c'est un excellent véhicule. J'ai retrouvé là-dedans tous les philosophes comme Rousseau avec l'inégalité parmi les hommes, Voltaire avec la tolérance et tout. Et on s'amuse du début à la fin de ces situations un peu rocambolesques de ce grand méchant renard. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, si on peut dire. Ah, tout à fait. C'est pas une... on pourrait croire au départ que c'est un truc qui s'adresse aux enfants, mais non, c'est vraiment de la lecture pour adultes. On se divertit tout en approfondissant quelques idées de ce que l'on vit en société, surtout en ce moment. Alors ça, c'est Le grand méchant renard de Benjamin Renner. Voilà. Ouais. Et dernier titre, en fait, Black Science. Ben oui, écoute, du côté américain, j'ai suivi une série... depuis le début, en monthly, là, en épisode mensuel, un truc qui s'appelle The Black Science. C'est fait par Rick Remender, qui est un grand spécialiste des scénarios Marvel, DC. Et là, du côté des indépendants, il a créé Black Science, qui est un truc de science-fiction, mais comme j'en ai pas vu depuis bien des années. Ça va paraître en français chez Urban Comics, cette maison d'édition française qui... publié à la fois de l'indépendant, mais du DC, mais d'une façon magistrale. J'en ai déjà parlé, tu te rappelles. Oui. Alors, Black Science, c'est tout simplement un mix entre Walking Dead et Perdu dans l'espace. Une famille, un scientifique qui crée une espèce d'objet qui permet de se déplacer à travers les dimensions. Et lui, sa famille et un associé réussissent à voyager dans le temps, mais l'appareil est brisé et à toutes les 18 heures, il transfère de dimension en dimension. Alors, chaque fois qu'ils arrivent dans une dimension, ils sont pris par le temps et c'est à chaque fois une question de survie. Dans chacune des dimensions, des créatures les plus dangereuses essaient de les attaquer. Va se joindre à eux de nouveaux personnages, d'autres vont disparaître. C'est à la Walking Dead, c'est-à-dire ce qui n'est pas tellement important, c'est l'environnement. Ce qui est important, c'est les gens qui voyage, le côté humain, le père qui essaye de protéger ses enfants qui sont entraînés dans cette aventure-là, l'associé qu'on pense être un traître, mais qui va changer de camp. Bref, c'est vraiment une belle série. Et le dessin de Matteo Scalera est un peu... est très léché, c'est très coloré, mais aussi vient rejoindre cette espèce de dessin un peu nerveux à la Sean Murphy, si tu te rappelles de Punk Rock Jésus. Ce dessin un peu brouillon, mais un peu énergique, qui donne aux scènes d'action un aspect un peu cinématographique. Le premier tome vient de paraître. En fait, les Français, évidemment, publient des intégrales des monthly, des magazines qui paraissent tous les mois côté américain. Alors, on a le droit à Bon Épisode qui vient de paraître chez Urban Comics. C'est une excellente série à suivre. Alors, chaleureuse recommandation de Marco Duchesne pour ce Black Science, donc chez Urban Comics. Voilà. Et à venir, en tout cas, il y a eu une espèce de pause dans les nouveautés récemment en librairie, mais tout ça devrait s'arrêter pour laisser place à une espèce d'inondation de nouveautés qui sont apparaître très bientôt, entre autres le Larcenet, le nouveau... Manu Larcenet, qui est une adaptation du roman de Claudel, Le rapport de Brodick. Alors, ben, on aura l'occasion de s'en reparler assurément. D'ici là, ben, on se dit à très bientôt, Marco. Ben, salut. Salut bien. Voilà, donc, je rappelle Marco Duchesne, donc, et ses commentaires BD. Nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition, donc, de La vie en BD. La semaine prochaine, on aura d'ailleurs une belle entrevue, une longue entrevue avec Serge Gabouri. Alors, ce sera à ne pas manquer. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine sur les ondes de CKRL. C'était Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous.